Les peuples progressistes du monde exaltent vivement les exploits impérissables du président Kim Il-sung. Dans leurs messages et lettres envoyés à l'occasion des 23 ans de son décès, le chef du groupe de solidarité russe avec la République populaire démocratique de Corée, le secrétaire du comité régional de Yangon du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar et autres personnalités étrangères ont écrit entre autres. Le président Kim Il-sung est le père de la nation coréenne, héros d'ordre mondial, qui a fait un grand apport à l'émancipation des peuples du monde et grand homme du XXe siècle. Sous la conduite du dirigeant suprême Kim Jong-un, le peuple coréen continuera l'œuvre révolutionnaire du président Kim Il-sung, déjouera les sanctions et pressions des forces hostiles et remportera plus grand succès dans l'édification d'une puissance socialiste.